passion de punk rock électro-pop breakpop qui apparaît sur l'album Red Fasting American. Et ça, c'était en 1979. L'émission de ce soir est consacrée au 20 meilleurs albums de la décennie 70. Pour la porte de cette émission, je me suis servi d'un site internet Best Ever Album, un site qui recense, qui classe les albums par année par décennie. Alors, si vous voulez. We'll be right back. Just on the city bed, scooter searching for his groove. Seemed like the whole world walking pretty, and you can't find no room to move. Well, everybody better move over, that's all, 'cause I'm running on the bad side and I got my back to the wall. Tell the devil to freeze out. Tell the devil to freeze out. I was standing in the jungle trying to take in all the heat there. Bien, on va passer maintenant à la 16e place avec Monsieur David Bowie et Breaking Glass, la plage, numéro 2 de l'album Low, à la fois 11e album de l'artiste, mais aussi le premier de sa trilogie berlinoise. On va passer à quelque chose de plus calme pour la 15e position. On va passer à Nick Drake et son album Pink Moon en 1972. Et d'ailleurs, on va s'écouter la chanson Pink Mood. Et puis ce sera enchaîné à Television, Venus, extrait de l'album Marquee Mood, réalisé en 1977, et ce sera pour la 14e position de ce classement. On va faire une petite pause dans notre classement, car il est déjà l'heure de la French Touch. Deux artistes français pour notre plus grand public, plus plaisir. J'arrive pas à parler ce soir. Ça, c'est en mode confinement, mode maison. Ça y est, je suis perturbé. Alors, le premier, ce sera Téléphone avec un peu de Ton Amour, tiré de leur second album Crache Ton Venin, qui est paru le 2 avril 1979. Et juste après, on fera un petit détour en 1978 avec Monsieur Hubert Félix Thiéphen, un extrait de son album Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir, qui est en fait son premier album et qui est paru en 1978. Branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. Quiao derantus que versus maturé quensunto profanum vulgus et inscium ne attractato omnesque barbari psychologie sociologie politiki, economiki, fliki, procul sunto, cui aliter facit cite sacer esto. Première descente aux enfers par la face nord. Je m'avale sur la scène, le père fouettard est mort. Mais on apprend la haine dans nos livres d'histoire. On devrait s'amuser à détraquer l'ennui, à tout mettre en danger devant notre folie. Liberté, liberté, liberté. Eh ben ouais quoi. La victoire en chantant, nous ouvre la barrière. Mon pied entre les dents, je cherche ma civière. Je réserve les cieux pour d'autres aventures. Ce soir, je sais que Dieu est un fox à poil dur. Liberté, liberté, liberté. Je descends aux enfers par l'entrée des novices, offrir à Lucifer mon âme en sacrifice. Je boirai dans un crâne le sang du déshonneur, en piétinant les mâles des marchands de bonheur. Liberté, liberté. Qui courait dans l'herbe, on la prend par la queue, on la montre à ces messieurs. Ces messieurs nous disent: garde à vous! Garde à vous devant Hubert Félix Thiéfaine et première descente aux enfers par la face nord. Allez, retour au classement avec la 13e place, monsieur David Bowie et l'album Hunky Dory. On va écouter Queen Beach, et oui, on se fait encore un petit Bowie, Queen Beach. Et puis à la 12e position, ce sera enchaîné avec Bob Dylan et l'album Blood on the Tracks, réalisé en 1975, et le titre Tangle Up in Blue. Clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, that your laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and you lay them right down. Yes, she's leading them on, and you lay them right down. And it could have been me. Yes, it could have been me. Why didn't I say? Why didn't we vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. The sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through, tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue, tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew this place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face and the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said to me, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Pray. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul from me to you. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenter's wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it so À la 11e position, on retrouve encore nos amis les Rolling Stones avec l'album qui s'appelle Exile on Main Street. Il est sorti en 1972 et voici pour nos petites oreilles le titre Check Your Hips. On va attaquer le top 10 avec, à la 10e place, des artistes qu'on n'a pas encore écoutés, les Pink Floyd, avec leur album Animals, qui est paru en 1977. Et on y retrouve cette chanson en ouverture et également en fermeture. On va écouter la version 1, la version qui se trouve en ouverture de l'album. Pigs on the Wings. Et après, on joue tous ensemble. yo. We would zigzag our way through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. Voilà, très cool, très court, très rapide, les Pink Floyd. Pigs on the Wings. Alors, je vous ai dit qu'on allait jouer. Effectivement, on va se refaire le blind test. Alors, je l'ai repensé, la formule. Version simplifiée, les règles ne sont pas compliquées. Je propose un extrait de chanson en mode inversé ce coup-ci. Alors, tu dois reconnaître ce que c'est. Il y aura 3 niveaux de difficulté. Niveau 1, tu joueras pour 2 points. Niveau 2, tu joueras pour 3 points. Niveau 3, tu joueras pour 5 points. Ce soir, on va jouer pour un niveau 1. Donc, 2 points si tu trouves le titre et l'interprète, un point si tu trouves soit l'un, soit l'autre. Les réponses se font sur la page Facebook, Trods, en message privé, sous la forme suivante, blind test numéro et interprète plus titre. J'accepte les réponses jusqu'au mardi suivant. Alors par exemple, pour le blind test de ce soir, vous pouvez répondre à partir de là maintenant, jusqu'au mardi 31 mars. Moi je m'occupe de compter les points, chaque semaine je publierai le classement, et au mois de juin, je désignerai le vainqueur qui viendra présenter une playlist d'environ une heure avec moi dans les studios. Alors, à vous de jouer maintenant. Vous êtes prêts? Parce que là, c'est parti. Voilà, bonne chance pour ce petit blind test. On va passer à la 9e position du classement. Alors, c'est qui? C'est qui est en 9e position? C'est eux. We'll be right back. faire, le gros con? Là, il va dormir encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Les Who en 9e position de ce classement avec l'album Who's Next. On a écouté le titre My Wife et c'était suivi de Joy Division avec le titre Interzone, présent sur leur album Un No Pleasure pour la 8e place. Et à la 7e place revient à Fleetwood Mac et l'album de 1977 Rumours. Voici le célèbre Don't Stop. Open your eyes, look at the day. You'll see things in Pas une chaise et approche-toi, mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu pues de la gueule, pas si près! Voilà, ça, c'était les Fleetwood Mac avec le titre Don't Stop, donc extrait de l'album Rumours, et qu'on retrouve exactement à la 8e place. Voilà, j'ai perdu la feuille de mon classement, tant pis, c'est pas grave, on continue. On va bientôt faire une petite pause avec une deuxième friend touch. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un titre d'un artiste français qui s'appelle Monsieur Jacques Higelin, et ça s'appelle Le Minimum. Juste quand tu démarres, le minimum. Juste ce que tu sais faire. Avant de mettre à pleine gomme, juste ce que tu sais faire. Le minimum. Avec moi, que tu te prépares pour n'importe quoi. Avant d'être à pleine gomme, juste ce que tu sais faire. Ange, les longues nuits d'Isaac sur l'album Au-delà du délire. À la sixième place du classement, on retrouve un album très célèbre, les Pink Floyd, avec The Wall, un album qui date de 1979 qu'on ne présente plus. Et voici Young Lust. Voilà, ça c'était la place numéro 6. On va donc attaquer le top 5, les 5 premiers du classement. Mais juste avant, on va s'écouter Boston et Don't Be Afraid. Thinking about a love that's left her. You're thinking you should have. Eh bien voilà, ça déménage un peu quand même. Allez, on y arrive. À la cinquième place, ce sera les Clash avec leur album London Calling. Et on va s'écouter Spanish Bombs. Benito, yes, the quella, oh my god, I thought. Spanish bombs, yes, the quella is Benito, yes, the quella, oh my god, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's orders knitted in the bar. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my corazón. Spanish bombs, yes, the quiero infinito, yes, the quiera, oh my corazón. Hillsides ring with food of people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, you have to get away from Nito. Just a quera, oh my corazón. Spanish bombs, just a quera infinito. Just a quera, oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Spanish songs in Andalusia. Mandolina. Oh my corazón. Spanish songs Granada. Oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Les Clash, la cinquième place avec l'album London Calling sorti en 1979. Et à la quatrième place, ce sera Led Zeppelin en 1971 avec l'album qui n'a pas de nom, que tout le monde appelle 4 ou 4. On va s'écouter Rock and Roll. Down, 'cause I time. Émission Hot Rods numéro 9, vous êtes bien sur Radio Web Passion, il est 19h27, bientôt 19h30. On se refait un petit point de ce qu'on a écouté depuis le début de l'émission, pour ceux qui nous prennent en cours, on ne sait jamais. Alors en 20e position, on avait Marvin Gaye avec What's Going On, 19, Black Sabbath avec Paranoid, 18, c'était les Stones avec Sticky Finger, 17, Bruce Springsteen avec Born to Run, 16, David Bowie, Low, 15, Nick Drake et Pink Moon, 14, Television, Marquee Moon, 13, encore David Bowie, Hunky Dory, en 12, Bob Dylan, Blood on the Tracks, 11, les Rolling Stones avec Exile on Main Street, 10, les Pink Floyd avec l'album Animals, les Who à la 9e place avec Who's Next, 8e Joy Division On No Pleasure, 7e Fleetwood Mac avec l'album Rumours, en 6 encore les Pink Floyd avec l'album néanmoins célèbre The Wall, en 5 on l'a écouté il y a quelques instants The Clash avec London Calling, et juste à présent c'était les numéros 4 Led Zeppelin avec l'album 4. Voilà, il est temps d'attaquer le top 3, mais encore un tout petit peu de suspense. On va s'écouter d'abord une petite nouveauté, un petit truc que j'ai dégoté cette semaine sur le net. Vous m'en direz des nouvelles. Pink Sigs, Whiskey Woman. Now Allez, on n'attend plus très longtemps maintenant. On y va, la troisième marche du podium. On va retrouver encore David Bowie avec l'album The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Un titre imprononçable pratiquement. C'est sorti en 1972. On va écouter tout de suite Suffragette City, messieurs, mesdames. Médaille de bronze pour David Bowie et son Suffragette City, extrait de l'album Ziggy Stardust. La médaille d'argent revient encore une fois à Pink Floyd, et oui, encore eux, avec l'album Wish You Were Here, sorti en 1975. Tiens, bah c'est d'ailleurs le titre qu'on va s'écouter, Wish You Were Here. Thank you. Mesdames et messieurs, roulement de tambour maintenant, il est l'heure de vous révéler qui est le number one. Je suppose que vous l'aurez tous deviné. Vous le saurez juste après Coltrane et Crimson Killer, un titre de 2020. We'll be right back.

Money, les Pink Floyd, extrait de l'album Dark Side of the Moon qui est sorti en 1973 et qui remporte la première place, messieurs, dames. Et oui, Dark Side of the Moon, l'album des années 70, classé numéro 1. Et bien voilà, ce petit classement, cette émission spéciale touche à sa fin. On va s'écouter encore une petite nouveauté. Je vous gâte ce soir, trois nouveautés. Allez, Wolf, Short to Kill. Voilà, allez, ça se termine comme ça pour ce soir. On va se quitter avec Supertramp et Logical Song, extrait de l'album Breakfast in America, un album qui, vous l'aurez remarqué, ne fait pas partie du classement de l'année 70. C'est bien dommage parce que c'est un très très bon album. Voilà, il me reste à vous dire de prendre soin de vous, de rester chez vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la maison, en mode confiné, voilà. Et puis, je voudrais aussi remercier Radio Web Passion de me permettre de faire cette émission. Bonsoir à toutes, salut.